Frédéric. Eh bien, moi, j'ai une petite anecdote sur Pierre Richard, le film Les Compères. Quand j'étais petit à la maternelle, je pense que j'ai dû voir ce film avec mes parents parce que le lendemain matin, j'étais debout sur mon vélo et d'après ma mère, j'ai mis un coup de boule à un gamin de mon âge. Et voilà, ne montrez pas des films pour adultes à vos enfants trop tôt. J'appelais pour dire que mon moment de gloire au collège, c'est d'avoir eu 20 sur 20 au cours d'éducation musicale, parce que j'ai joué le thème du grand blond avec une chaussure noire à la flûte à bec. Et divinement bien, je cite mon prof de l'époque. Et plusieurs décennies après, je voulais que les auditeurs et auditrices de France Inter le sachent, on peut réussir grâce à la flûte à bec. On peut. Faire la promo d'un film ou d'un album, il y a quand même rien de plus barbant. Vous allez me dire, bah va à l'usine tous les matins, tu verras, c'est pire. C'est vrai. Mais l'espace d'un instant pour rire, mettons-nous dans la peau d'un artiste extrêmement populaire, c'est-à-dire quelqu'un de mégalomane et un chouïa égocentrique. Bon, en général, tu as enregistré ou tourné ton film il y a 6 mois ou un an. T'es déjà passé à autre chose. Ton attaché de presse, qui est souvent un être humain qui a bu trop de café et qui est enjoué par beaucoup, beaucoup trop de choses. Oh, hier soir, j'ai mangé une salade, un truc de dingue. Oui, ça parle comme ça, un attaché de presse. Il t'a dégoté un passage dans le JT de France 2 ou TF1 et tu vas devoir dire combien ton album est génial après un reportage sur l'avancée des troupes russes en Ukraine ou la découverte d'une nouvelle pandémie baptisée le choléra du koala ou un truc dans le genre. Bref, la promo est un exercice bien plus délicat qu'il n'y paraît dans un système médiatique édicté par d'autres que toi. Mais est apparue une toute nouvelle génération d'artistes plus jeunes qui a décidé de ne plus suivre ces règles-là. Aurel San et son frère ont réalisé leur propre documentaire. Certaines sorties d'albums sont annoncées par les artistes eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. Et Stromae a piraté le JT de TF1 pour en faire une performance artistique qui a sidéré le vieux monde des médias. En ayant plus de moyens de se mettre soi-même en scène, les artistes ont paradoxalement récupéré ce qui leur manquait, une vie privée. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Comment est-ce qu'on dit je t'aime en espagnol? Comment est-ce qu'on dit je t'aime en espagnol? Te quiero, public, merci beaucoup. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Depuis que Stromae est apparu dans le paysage musical francophone, chaque sortie d'un de ses titres, clip ou album, est un événement. Porté par des rythmes électro et des mélodies qui restent immédiatement en tête, ces chansons font la part belle à des textes mélancoliques et introspectifs qui contrastent avec leur capacité à faire danser. Pourtant, malgré un succès phénoménal sur la planète, difficile de vraiment connaître ce bourreau de travail, maniaque du contrôle et de son image qu'est Stromae. Pour tenter de mieux comprendre son parcours, j'ai à mes côtés, et j'en suis ravi, Émilie Mazoyer, bonjour. Salut Fred. Vous êtes animatrice radio spécialisée musique. Ouais, j'ai interviewé Stromae il y a quelques années. C'est la femme, vraiment la femme qu'il me fallait. Et je sais bien, je suis avec là. Nous également et on est ravis, Julien Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur représenté par la société de production Partisan et vous avez notamment réalisé le clip de Stromae, L'Enfer, et sa performance live chez Jimmy Fallon. Exactement. Avec nous, Pascal Monfort, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le fondateur de REC, un cabinet de conseil en marketing de mode, et vous êtes également enseignant en sociologie et en histoire de la mode. Absolument. Avec ce plateau de qualité éclectique, on va tenter d'expliquer, s'il y en avait le besoin, en quoi Stromae incarne la figure de l'artiste total. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Comme tout un chacun dans nos métiers, on peut des fois se laisser un peu absorber par un métier qu'on adore, de la passion. Toujours invaincu. Et il faut pas oublier que ça reste un métier. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Et voilà. Tant d'années. Et voilà, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. c'est sûr. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Émilie Mazoyer. Alors vous, je sais que vous aimez sortir, vous êtes vraiment au courant des grandes tendances musicales. Mais moi, je sais que ma première rencontre avec Stromae, c'était pas en boîte parce que je sortais pas. C'est une voiture qui s'arrête au feu rouge et j'entends voilà. Alors on danse et elle file et je me dis qu'est-ce que c'est que ça. Et un peu plus tard, je vois un gars dans un clip de Jamel sur Canal+ avec un costume de Tintin. J'avais l'impression que c'était un costume de Tintin qui joue avec Jamel debout. Et je me dis, tiens, il y a un nouvel humoriste que je ne connaissais pas. Et c'était Stromae. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est d'où vient Stromae ? Bah alors, Stromae vient de Belgique. C'est un garçon qu'on n'a pas du tout vu arriver, nous, en France. Mais je crois, je me tourne aussi vers mes collègues autour de la table, c'est un garçon qui, au départ, était plutôt parti dans le rap, qui a toujours travaillé en famille, notamment avec son frère. Et puis, moi, bah alors, c'était pas un feu rouge, ma première rencontre avec Stromae. C'est un banc d'essai des nouveautés musicales. Toutes les semaines, on était dans un studio de radio pas très loin d'ici, c'était le Move à l'époque, et on nous faisait écouter les nouveautés, mais pas dans un petit bureau planqué, à l'antenne, avec les auditeurs qui écoutaient, et on donnait notre avis. Et donc il y a ce truc-là. Alors on danse. Et moi, ma réaction à chaud, ça a été de dire, mais ça va pas marcher. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette musique des années 90? Alors je me suis dit, c'est un vieux mec des années 90. Ça me faisait penser un peu à tous les trucs qu'il y avait dans les Dance Machines. Les Dance Machines. Je me disais, c'est pas possible. C'est Ophélie Winter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais complètement prise au dépourvu, complètement désarçonnée. Donc, mon premier réflexe à l'antenne ce jour-là, c'est de dire, c'est nul, ça ne marchera pas. Parce que je pense que Stromae, c'est un artiste qui se mérite. Dans le sens où à la première écoute, vous comprenez pas. En tout cas, c'est pas facile d'accès à la première écoute. Il faut y aller deux fois, trois fois, et là, on tombe amoureux. Et donc, j'y suis retournée, heureusement. Et oui, je suis tombée amoureuse de sa musique. Mais voilà, c'est pas une musique complètement évidente. Pascal Monfort, votre rencontre avec Stromae, musicalement, c'est arrivé comment ? Alors à peu près, non, pas de la même façon. Pas la honte devant tout le monde. Non, pas de la même façon. Mais alors là, en revanche, moi j'ai été tout de suite percuté par le contraste qui existait entre ces Eurodance, en quelque sorte, hein, donc une musique que vous avez appelée des années 90, un peu trop pop, peut-être sur les bords. Un peu boum boum. Et avec un texte qui, a priori léger, mais tout sauf léger, et immédiatement captivant, et puis, et j'ai tout de suite vu le personnage. En fait, on l'a vu avant même de l'entendre, en fait, j'ai vu le clip, hein, je pense que c'était. Et effectivement, la couche supplémentaire à tous ces contrastes, ça a été sa silhouette, son physique hors du commun, avec une beauté d'une exception rare, si je dois ajouter de trucs, mais et un style vestimentaire où tout de suite je me suis dit, ok, le mec sait ce qu'il fait, il a l'étoffe d'un grand, il a compris que l'ingrédient stylistique vestimentaire allait jouer un rôle important ça allait être un ingrédient important de la recette de son succès, et il se positionne tout de suite comme ceux qui veulent marquer l'histoire, marquer la rupture et devenir des signes distinctifs. Je sais pas si je peux continuer, mais mais c'est très immédiatement, intéressant. Immédiatement, je dis, ok, qu'est-ce qui fait ce mec-là? On comprend bien qu'il est pas né d'hier dans l'histoire de la musique. On comprend bien qu'il est très référencé en termes ses paroles sont hyper référencées. Et puis son style vestimentaire, quand on aime un peu la mode et quand on s'y intéresse, on se dit, ok, le mec fait pas n'importe quoi. Alors ouais, il a des éléments inattendus. Pourquoi il porte un EPAP alors que c'est un produit complètement désuet qui séduit aucun jeune et qui fait un chiffre d'affaires aujourd'hui de probablement 0,001% dans tous les magasins masculins, une veste un peu trop cintrée, le Bermuda que tout le monde aime détester. auquel on ajoute des chaussettes de couleur avec des imprimés, enfin bon bref, tout ça sur une silhouette beaucoup trop longiligne, il sait où il va. Il sait qu'il joue avec des codes et qu'il joue avec les codes de bon goût, mauvais goût. Comme en musique en fait. Exactement, mais surtout on comprend que il a des refs. Oui. Alors, je tiens à signaler un truc parce que souvent, on ne le sait pas, on ne le marque pas, mais les Belges, entre les Belges et la mode et la haute mode, il y a une grande histoire d'amour et un grand savoir-faire. On cite toujours les créateurs italiens, les créateurs français à travers le monde, etc. Or, les Belges comptent parmi leurs rangs certains des créateurs les plus importants de notre époque et une des écoles qui crée qui produit les plus grands noms. Et des Raf Simons, c'est des Walter van Beerendonck, et les Dries van Noten, et Chris Van Ache. Et il les connaît. Je l'ai lu plus tard dans des interviews. Très vite, quand tu parles de mode avec Stromae, tu peux aller loin. Mais c'est ce dont on se rend compte avec Stromae, c'est que effectivement non seulement il a le nez pour sentir des tendances, mais il a une culture aussi de la mode, mais aussi cinématographique et musicale qui est hyper importante. Julien Soulier, votre rencontre avec Stromae juste en tant qu'amateur au niveau musical, c'est arrivé comment ? Elle est vraiment assez récente. Stromae, pour moi, elle a toujours fait partie du paysage français. Je suis d'une génération qui l'écoutait. J'étais pas son premier fan, en vrai. Et en fait, je l'ai rencontré là récemment en novembre, quand on m'a proposé de faire une performance, en tout cas de réaliser sa performance pour l'émission de Jimmy Fallon. C'était un truc assez rapide. Et je sais pas, ça a tout de suite fité. Donc on va dire c'est une rencontre assez récente. Je l'avais aussi. Il y avait, je sais pas. Un ou deux ans, juste avant le Covid, on m'avait proposé de faire des photos pour un magazine de mode, pour GQ, des portraits de Stromae, de Coralie, sa femme, et de Luc, pour le lancement d'une collection qu'il faisait au bon marché. C'était assez anecdotique, mais c'est vrai que j'ai toujours cette image du trio. Et cut, on revient, on est trois ans après, je retrouve les mêmes, et voilà, je sais pas, c'était vraiment Stromae pour moi, va avec les autres, quoi. Alors Stromae s'est fait connaître avec le morceau que l'on va s'empresser d'écouter. Ça marchera alors jamais. Mais arrêtez de passer ça, ça ne marchera mais pas. Mais je crois que ça a marché, Emily. C'est tiré de l'album alors... Cheese, sorti en 2010. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit étude dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. encore. Rien encore. Alors on danse de Stromae. France Inter. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, après tant d'années, et voilà, une de perdue, c'est ça. Et voilà, je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois. Où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, après tant d'années, et voilà, une de perdue, c'est ça. Et voilà, Ave Césaria, consacré à l'artiste Césaria Évora, tiré de l'album Racine Carrée, sorti en 2013. Émilie Mazoyer, on voit dans les chansons de Stromae qu'il y a toujours ce rythme très dansant, ouais, mais qui est totalement contrasté par des textes qui sont souvent empreints de mélancolie. Et même, il y a un thème récurrent sur les trois albums qu'il a sortis, qui est l'image du père. Et oui. Je voulais savoir, c'est quoi la famille de Stromae? Bah alors, son histoire perso, c'est que de toute façon, c'est un garçon qui a grandi sans père. C'est un garçon qui a grandi dans un milieu, alors pas du tout funky, musique, c'est pas du tout un enfant de la balle, quoi. Et bah dans ces cas-là, voilà, soit... on fait une famille qu'on rate, soit on fait des albums qu'on réussit et des chansons qui vont attirer des larmes à tout le monde. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Mais le contraste, il est aussi entre des trucs qui sont complètement de son âge et de sa génération et des trucs qui sont pas de son âge. Il y a pas de gamin de l'âge de Stromae. Stromae, il est jeune, hein. Il a 37 ans. Là. Oui, enfin, il est jeune. Il est plus jeune. C'est ça que je dis. À peine plus jeune que nous. et il parle à Césaria Évora dans une chanson. Césaria Évora, c'était une très vieille dame déjà. Quand elle tournait en France, et là elle est morte depuis des années. Et donc qu'un jeune artiste s'adresse à Césaria Évora, qu'un jeune artiste mette comme ça ce genre de rythme. Il y a Formidable aussi, la chanson au piano, etc. Donc en fait, ça n'est que du contraste. Ça n'est que du contraste en permanence. Et en plus, on est des fois même pas sûr que ça soit vraiment des choses qui lui soient arrivées, parce que je sais que pour Césaria, il a écrit notamment avec Aurel San, et il y a plein de moments où c'est Aurel San qui sort des rimes en disant bah tiens, ouais. Elle fumait des clopes, c'était marrant. Et c'est comme ça que qu'ils se mettent à écrire. Donc il y a quelque chose de l'ordre du patchwork. Oui, c'est ça, et c'est encore plus, enfin moi je me sens ça m'avait vraiment sauté aux yeux, aux oreilles, en discutant avec lui, en voyant à quel point ce jeune artiste, puisque donc moi je l'ai interviewé, c'était en 2013, c'était pour la sortie du deuxième album Racine Carrée, donc voilà, il avait pas 30 ans, et à quel point il s'intéressait à tout, à quel point il avait des références dans le cinéma, dans, alors voilà, Césaria Évora typiquement, moi j'étais habituée à avoir des artistes qui étaient très dans leur niche, des rappeurs qui citaient d'autres rappeurs, des rockers qui citaient Led Zeppelin ou les Guns, chacun restait dans sa niche. Et là, voilà un garçon qui était intéressé par tout. Par la mode, par le cinéma, par l'actualité, par les droits des femmes. Pareil, c'était bien avant MeToo et toutes ces histoires-là, 2013. Et je sais pas, je me disais, c'est drôle, vous avez dit tout à l'heure, il sait ce qu'il fait, il est prêt quand il arrive. Je crois que c'est vrai, en fait. Il y a des artistes comme ça qui, alors ils l'avouent ou pas, mais qui savent que... il va se passer des choses importantes et qu'il faut rien bâcler, faut rien négliger. Et j'ai l'impression qu'il a ça, Stromae. Il le sait. Même son, enfin ouais, je me souviens de l'interview. Il n'était pas tout seul. D'habitude, un artiste, on le reçoit en studio, on est juste tous les deux. Là, il y avait son frère, il y avait quelqu'un de la maison de disques, il y avait sa compagne. Donc voilà, c'est rien n'est laissé au hasard. C'est vrai que quand on travaille avec Stromae, du coup, on travaille avec un collectif. On travaille un crew. Non, on travaille avec un collectif. Déjà, je reviens parce qu'en fait, Stromae, pour moi, ce qu'il définit, c'est un bosseur. Ouais. C'est un bosseur parce que moi, je l'ai rencontré sur la performance de Jimmy Fallon. Il y avait toute une chorégraphie qui était faite par Marion Motin. Et dès que j'ai reçu le projet, il était déjà en studio en train d'enregistrer avec Marion Motin. Il était tout de suite en train de répéter tous les mouvements et de voir la chorégraphie, d'analyser la chorégraphie. Ce qui veut dire qu'il y avait sa part d'improvisation pendant le tournage, mais tout était assez calculé, mais pas pour du freaky control. Là, c'est vraiment ça. J'ai souvent écouté, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup son image, qui maîtrise beaucoup tout son univers. Alors qu'en fait, non, je pense que c'est un grand bosseur. Pour que ça soit cohérent. Exactement. En fait, il est parano, il est bosseur. Exactement. Et puis, il laisse vraiment une part d'improvisation dans un cadre qu'il a déjà un peu orchestré. Mais pour moi, en tant que réalisateur, c'est génial, quoi. On n'est pas là en train de se prendre la tête. On est avec un artiste qui est en train de kiffer son tournage, qui fait sa performance. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est un grand. Rien que le fait qu'en fait, il demande à un réalisateur de s'occuper de sa performance dans une émission de télé américaine, parce que Jimmy Fallon, c'est hyper important et tout ça, c'est un grand talk show, mais tous les gens qui vont chez Jimmy Fallon, ils sont réalisés par le réalisateur de Jimmy Fallon. Et s'ils vont au Jackie Show, ils sont réalisés par Pat Le Guen, et on fait avec le réalisateur qui est là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Deux ambiances. Là, c'est de se dire, OK, je vais passer à la télé, mais il va se passer un truc spécial et d'avoir l'idée. La plupart des artistes, pardon, hein, je vous adore les artistes, mais c'est oui, bah, flemme, on y va et on fait l'émission, quoi. Mais là, il se met ce défi-là de se dire... Ah, Pascal Montfort, il dodeline. Il dodeline vachement bien, mais il dodeline. Non, mais je vous rejoins. Enfin, c'est évident qu'il a conscience qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Ah, ça, voilà. ça paraît une grande formule, mais moi, je le compare assez aux grands artistes, aux grands athlètes, en quelque sorte. Un énorme athlète, c'est quelqu'un qui a effectivement les... effectivement un ensemble de dons et de capacités supérieurs à d'autres, un sens de la perception et de la vision avec un coup d'avance ou un coup au-dessus de la mêlée, à quoi il faut ajouter énormément de travail, mais le bon travail, je suis d'accord. Enfin, on voit que c'est pas un contrôle fric, mais on voit que c'est un méticuleux. Et quand je dis la rendez-vous avec l'histoire, c'est-à-dire que moi je le mets dans la catégorie des Elton John, des Bowie. Quand on lit des interviews sur lui, il parle de l'importance qu'a dans sa vie et dans sur son inspiration James Brown. Mais voilà, c'est ces mecs-là qui l'inspirent. En tout cas, c'est ce niveau d'artiste, c'est des artistes complets et qui ne veulent. Ce n'est pas déplacé que de vouloir tout maîtriser, mais de tout faire pour le mieux. Oui, voilà. Ouais. Je pense de donner cohérence à une œuvre globale. En fait. C'est un perfectionniste. Il a beaucoup de culture. Il le met au service des bonnes choses, non pas pour simplement se mettre en avant, mais apporter quelque chose de nouveau à l'histoire de la création. Je suis désolé, il a apporté. C'est pas un énième musicien. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui a su dès le départ investir Internet. Il s'est fait connaître en faisant des tutos de piano, de mixage, de montage, à une époque où Internet c'était pas forcément cette plateforme, cette catapulte vers quelque chose. On est d'accord. Moi je me souviens en 2010, donc c'est l'année de la sortie de Cheese. Alors on danse devient un tube fin 2009, début 2010, et l'album sort à l'été 2010. Et donc effectivement il est très présent sur Internet. Et il vient à Radio France nous proposer un concert privé pour nous présenter ce premier album. Et là, on voit arriver un semi-remorque. Donc on est tous un peu en disant « Ah, mais t'as vu la taille du studio et tout ?» Mais il était impensable pour lui de proposer un concert privé. On est d'accord, on est à la radio. Hein. Le concert n'était pas filmé à l'époque. Mais il y avait un public, il y avait une centaine d'auditeurs qui étaient là. Il a apporté un écran. Il jouait avec l'écran. Vous savez ce qu'on a vu Beyoncé faire quand elle danse et l'écran lui répond. Bah, Stromae, il nous l'a fait en 2010 ici à la Maison de la Radio. Mais pour ça que quand elle l'a fait, moi je lui dis beware don't that. Nous on sait, on te laisse, mais nous on sait. Et donc voilà, et artiste total, vous avez dit tout à l'heure en intro, Fred, et je suis complètement d'accord avec ça. Il envisage pas, même quand il est venu faire Augustin, Boomerang, il a chanté, c'était le tout premier extrait là, de son nouvel album. Et même chose, c'était chorégraphié, tout le monde était sapé. Alors voilà, je pense qu'il voit ça

Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Santé de Stromae, tiré de son dernier album qui est sorti en 2022. Émilie Mazoyer, vous disiez que cette chanson, chantée par quelqu'un d'autre, elle serait insupportable. Ouais. Parce que un artiste à succès qui, comme ça, dans une chanson, tend un petit peu la main aux petites gens en disant oui. Oh bah oui, d'habitude vous n'avez pas de verre, alors on va trinquer ensemble. Ça peut sembler ultra cynique, mais quand c'est lui... ça pourrait être Gal Gadot qui chante Imagine en plein confinement. Oh mais c'est ça. Il y a des trucs quand même hyper qui passent avec Stromae. C'est même pas qu'on lui passe, c'est que ça passe. Que ce soit, donc on parlait tout à l'heure des paroles très tristes avec des musiques très dansantes et de sa part, on l'accepte. Cette chanson-là, on l'accepte pourquoi? Bah parce que déjà, il étale pas sa vie. Donc en fait, on ne sait pas s'il se baigne dans du champagne ou si... On ne sait pas. Donc on a cette distance avec lui nécessaire. Il y a la belgitude aussi quand même. À un moment, il faut qu'on en parle. Quand il dit « puisse » au lieu de « puisse » et « suicidaire », bah moi, c'est bon, il a gagné quoi. Moi, je suis lorrain, donc en fait, j'entends pas toutes vos distinctions. « Puisse ». Non mais voilà, il y a toujours aussi... C'est pas la chanson engagée, énervante, pardon les enfoirés, mais par exemple, je peux plus vous blairer, c'est pas les enfoirés. Il a ce côté vraiment, il y a toujours un petit décalage, c'est hyper intelligent. Mais franchement, je me demande qui d'autre pourrait chanter cette chanson-là sans nous agacer. Stromae est un jeune chanteur déjà auréolé d'un succès phénoménal, mais vous pensez bien qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la musique. Moi, tout le côté un peu zouké, c'est sa culture parmi les nombreuses influences qu'il y a sur son disque. Pas du tout. Un mois après la sortie du disque et avoir entendu Formidable après 8 millions de fois et en papa outé. Il imite beaucoup Brel et ça m'énerve. Parce que je trouve que franchement là c'est un peu gros quoi. Même son look, ses fringues en mondial moquette là, c'est c'est tellement raisonnable, politiquement correct que ça, à un moment ça manque un peu, ça ne me parle plus au bout d'un moment. Je l'entends tellement déjà d'avance sur tous les manèges, tous les foires du trône, ça devient un peu du Henri Dess intelligent quoi. Un mauvais moment à passer. Alors, un extrait de l'émission La Dispute sur France Culture. On a notamment entendu Valérie Le Houx en septembre 2013. Donc, Pascal Monfort, est-ce qu'il y a un courant vestimentaire chez Modial Moquette? J'avais pas envie d'aller là-dessus. Non, mais moi, j'avais envie de vous lancer là-dessus. J'aimerais savoir. Alors, déjà, en fait, je vois pas ce qu'il appelle un courant Modial Moquette. Bon, je pense qu'il parlait des imprimés, des couleurs, des associations qui, a priori, ne se font pas. Hein. Mixer du beige avec du fluo, associer deux variations de violet, tout ça, sauf que, en réalité, en mode... Ou chez des iguales. En réalité, tout est possible et tout peut être bien fait. Et encore une fois, je pense pas. Moi, le look de son personnage qui évolue, mais qui est un personnage scénique ou un personnage de construction, de fiction. J'appelle pas ça de la mode. Hein, c'est en ça où, a priori, tout à l'heure, vous allez m'interroger sur le pourquoi du comment de lancer une mode, a priori, une marque. Ah, j'avais pas prévu, mais je le note. quand on s'appelle Stromae, et est-ce qu'on a besoin de ça? Mais en l'occurrence, quand il parle de mode, Stromae, je pense que le look qu'il adoptait sur scène, il ne le faisait pas pour donner naissance à une nouvelle tendance. En l'occurrence, les fans de Stromae ne venaient pas au concert en Bermuda et en EPAP. De la même façon que quand on allait voir Kiss, on n'arrivait pas maquillé, oui. Ou David Bowie, personne, les fans n'avaient pas des pantalons de 8 mètres de large en strass à la période glam rock. C'est autre chose. Mais oui, on peut tirer son inspiration de Mondial Moquette et certains des plus grands créateurs de mode, ne serait-ce que le directeur artistique de Balenciaga, pour ne citer que cette marque, qui est une des marques qui fonctionne le mieux aujourd'hui, va puiser son inspiration dans tous les éléments les plus a priori pop et a priori très loin du bien pensant stylistique, et obtiennent un succès phénoménal. Évidemment, c'était pour la boutade. Hein, parce que si jamais on commence à attaquer la mode et les grandes stars mondiales, hein, rappelons quand même le look de Michael Jackson, de Madonna à certains moments, Elton John, voilà, c'était bref. Mais... Le monsieur qui s'énervait en disant que c'était du politiquement correct, ça rejoint ce qu'on disait après avoir entendu Santé. Je pense pas. Il dit des choses très douces et très tendres parfois, mais c'est pas du politiquement correct. Je pense que c'est un type qui est foncièrement gentil. Et c'est pas une insulte. Peut-être que pour ces journalistes-là, voilà, on aime les choses, peut-être les gens un peu plus cyniques ou un peu plus piquants, etc. Je pense pas qu'il soit très cynique, Stromae, vous l'avez... Non, je pense que c'est juste... Bien souligné. Vu il y a pas longtemps, quoi. Ouais, non. Après, c'est surtout quelqu'un de sincère. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait pas faux. Ouais. Juste pour une petite anecdote, par exemple, à la fin du tournage, il a envie de manger des tacos. Et ben, là aussi, on va dire friki contrôle et tout. Mais il ramène son food truck de tacos, et tout le monde kiffe avec lui. Il prend du temps pour parler avec les équipes, il est là, il y a un vrai moment où il avait envie de ça, et il contamine tout le monde. Et je trouve que c'est assez, je sais pas, c'est assez révélateur dans le personnage et dans la personne qu'il est, quoi. Il est là, j'ai envie c'est de me faire kiffer. Je constate qu'autour de la table, personne n'est venu avec son food truck de tacos. voilà, je sais pas si ça en dit beaucoup sur votre grandeur d'âme, mais voilà, Stromae, lui, il aura amené un foot truck de tacos. Ouais, mais il avait envie de faire découvrir aux autres ce qu'il faisait kiffer. Et puis, on était en fin de tournage. Enfin, voilà, c'était un truc, je trouve ça en tout cas important pour des artistes qui veulent vite, après, partir, passer à autre chose. Et surtout, il y a quelque chose de phénoménal avec Stromae, c'est que il a très vite été repéré et a effectué des collaborations avec des grands noms. Kanye West, Kanye West. Je le dis pas souvent parce que on se croise rarement. Ah parce que Kim le prendrait mal. Oui, voilà, il le prendrait mal. Les Black Eyed Peas également. Ce qui est fou, c'est que ce rayonnement qui s'est fait à l'international, Coldplay, c'est fait sur un chanteur qui a toujours chanté en français. Incroyable, mais déjà dès le début, Alors on danse, c'est un tube tout de suite en Flandre, parce que la Belgique, donc il y a la partie francophone, la Wallonie, et puis la Flandre, où on parle un genre de néerlandais, et d'habitude, ça se frite un peu, hein. Oui. Bon jeu de mots. Oui. On kiffe ou pas. Oh là là, what a team. On se frite en Belgique, et donc là, non, ça marche en Flandre, alors que les Flamands font toujours un peu semblant de pas comprendre le français. Et ça marche partout dans le monde. Et nous, on dit tout à l'heure, ah mais oui, c'est génial, Stromae, parce que il y a ce contraste entre la musique très dansante, très joyeuse, trop joyeuse, et des paroles très graves. Sauf que les paroles, les Américains, Kanye, il comprend pas ce que dit Stromae, mais il comprend que c'est terrible ce qu'il est en train de raconter. Donc ça, c'est peut-être encore une autre facette dont on n'a pas parlé, c'est l'interprète. Parce que non seulement il la fabrique, il la pense, il la met en image et tout cette musique, mais il la joue. D'où le côté, c'est pas de la mode, c'est un costume de personnage, en fait, ces fringues. Et vraiment, il le joue. Et on comprend, même si on parle pas français. Et d'ailleurs, à propos de jeu, il y a cette vidéo en 2013 où il se met en scène complètement ivre dans les rues. J'ai cru que c'était vraiment. Mais oui! Parce qu'en fait, il explique que quelqu'un est venu le filmer dans sa voiture alors qu'il était en train de manger du taboulé. Ouais. Et en fait, la vidéo a fait un tel succès, plus que celle de son clip, qui s'est dit, mais puisque les gens aime ce genre de vidéo filmé à la va-vite volée. Ils veulent du sang, je vais leur en donner et je vais me filmer complètement ivre dans les rues de Bruxelles. Voilà. Sens de l'air du temps, quoi. Encore une fois, quoi. Sens de l'air du temps, mec. Un coup d'avance, un pas de côté. Il a interprète de génie puisque on y a tous cru. Il a joué sur les cordes sensibles. Vous aimeriez bien, hein, quand même quelque part que je sois en galère comme ça, peut-être. Et en même temps, ça fait de la peine, et puis hop, ça alimente le truc. Mais encore une fois, une vision très clairvoyante quant à l'air du temps, puisque on est avant le moment où une vidéo d'un chat qui pète peut faire des milliards de vues, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ce moment-là, il sait et il en joue que si la vidéo s'appelle « Nouveau clip de Stromae », les fans de Stromae vont cliquer, les autres non. Par contre, Stromae sous, en pleine rue, tombe à terre en pleurant, tout le monde clique. Il est trop fort. Il est trop fort. Et donc ça fait, voilà, c'est quelqu'un qui a intégré aussi, ben, peut-être un rapport à l'image que l'on a tous, et un rapport aussi à presque à l'anthropophagie numérique. Alors, voilà, excusez-moi, là, c'est un concept qui vient de m'arriver en direct. J'aimerais, voilà, on va arrêter cette émission pendant quelques minutes parce que je viens de penser trop fort. Copywriting. Désolé, là, ça m'arrive une fois tous les 5 ans. Mais voilà, mais en fait, il a peut-être réussi à comprendre ça sur la société. C'est-à-dire que même dans le texte de Formidable, on sent qu'il y a aussi cette accusation de la société sur ceux qui trébuchent, sur ceux qui tombent. Ouais, mais à la fois, on dit il en joue, il réussit et tout, mais 2 ans après, il fait un burn-out. Il fait un burn-out. Immense. Immense, et on a failli le perdre. Moi, quand il a annoncé son retour, il y avait eu des petits indices. Il y avait eu un duo avec Orelsan, une chanson géniale qui s'appelle La pluie, mais sur un album d'Orelsan. Il apparaissait aussi sur 2 chansons d'un double album de Coldplay. Mais je me suis dit, en fait, il fera que ça toute sa vie. Il va faire comme ça des petits caméos, des petites apparitions dans les albums des autres. Mais après s'être autant effondré physiquement et moralement, il va avoir peur d'y retourner. Donc oui, il en a joué, il a compris plein de trucs, mais il y a un moment, le corps peut lâcher, quoi. On a beau vouloir, on a beau tout faire pour, il y a un moment quand c'est trop, c'est trop. Et alors, il a pas été aidé, hein, parce que ce burn-out, il intervient après, je sais pas combien de dates de concert. Qu'il a rempli le Madison Square Garden aux États-Unis. Des trucs incroyables que très peu d'artistes, belges. On fait. Et puis, alors voilà, il a pas été aidé aussi parce que donc pour une tournée en Afrique, il s'est fait vacciner contre le palu. Et c'est un produit qui est très puissant et qui lui a fait, voilà, du mal physiquement. Mais bref, il y a un vrai effondrement à ce moment-là. Et on sait pas quand on va le récupérer. Et moi, j'aurais pas parié qu'il reviendrait avec un album à lui, quoi. C'est vraiment. Mais il est revenu avec Multitude. Ouais. Et notamment un titre qui résume bien le retour du phénix. Invaincu, Stromae, on l'écoute. Plus de victoires que de défaites. T'en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. 3 balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des pénaltys. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais, j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Putain de maladie. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Toujours invaincu. Invaincu de Stromae, issu de l'album Multitude. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau chez moi. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Blockbuster sur France Inter. Un extrait de La Pluie, sorti de l'album d'Orelsan, La Fête est finie, un album qui est sorti en 2017. Et si je parle d'Orelsan, c'est aussi parce que un blockbuster lui a été consacré et lui sera consacré en août sur cette même antenne. Et c'est vrai que il y a cette collaboration avec Stromae qui est assez intéressante, parce que a priori, comme ça, on pourrait imaginer qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, alors que si, ils ont énormément, on a l'impression que c'est les deux faces d'une même médaille. Ouais, exactement. Sur le papier, j'ai dit « Ah ouais !» Et après, en écoutant et en regardant le clip aussi, où ils sont tous les deux très complices à un moment, dans les rayons d'un supermarché, il y a Orelsan qui pousse Stromae qui est dans un caddie. Et oui, ils ont tous les deux cette écriture qui est très... Il y a beaucoup de nostalgie, quoi. Ça parle à notre cœur. Parfois, le rap, ou d'autres musiques d'ailleurs, ça parle à notre colère, ou ça peut parler aussi à de bas instincts, ou à des trucs... Enfin, ça peut parler à plein de choses. Mais eux, tous les deux, ils ont ce truc qui tape au cœur, Stromae et Orelsan. Et donc, je trouve qu'ils se sont très bien trouvés sur ce morceau. Puis, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Stromae. Là, on le redécouvre, en fait. Il y avait eu quelques images de lui en studio avec Vita. Tu sais, Mel, faut que je te parle. Avec Vita. Et donc, j'ai passé la journée dans le noir. Mais c'était mal filmé, on ne voyait pas sa tête. Et là, dans le clip, on le voit vraiment, on le retrouve, et on se dit, ah, super, il va bien. Il va bien, il a des bonnes joues, il est content, il est avec son pote Orelsan et tout. Donc, ce moment-là, artistiquement, il est important, mais même voilà, pour les fans, il est hyper rassurant, parce qu'on se dit, il va bien. Et on les retrouve aussi ensemble sous une forme animée dans le clip qui brocarde justement les réseaux sociaux, Twitter, etc. Un clip qui est animé et réalisé par Sylvain Chomet, le réalisateur des Triplettes de Belleville. Et dedans, on voit Orelsan sur un gros oiseau bleu. Et en fait, c'est une idée d'autruche. On le voit dans un des documentaires que le frère de Stromae a mis en ligne. Et il explique que c'était une idée qu'il avait donnée des années avant à Stromae. Comme ça, il fait « Ah, j'aimerais bien pour un clip qu'on fasse une course d'autruche. » Et Stromae avait entendu le truc et il l'a ressorti, mais des années plus tard, en disant « Bah tiens, on pourrait faire une course comme ça, sauf qu'on est sur des gros oiseaux, les gros oiseaux de Twitter. » Et on fait une course comme ça, animée par Sylvain Chauvet. Et en fait, je trouve que c'est... Ça résume assez bien le rapport qu'ont les deux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échange d'idées où ils se tirent vers le haut et tout d'un coup, c'est transformé par l'ajout d'un autre créateur de génie, tu vois, qui est aussi assez discret. Et en fait, au final, t'as un résultat qui dépasse la somme des talents composés. Mais ce que je trouve fascinant dans la carrière de Stromae, c'est que malgré tout ça, à chaque fois qu'on le voit prendre la parole, on a le sentiment qu'il n'est pas heureux, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas atteint. Pascal Monfort, quel est votre avis? Ben non, mais c'est vrai, parce que on le voit qu'il s'est investi dans une collection de mode, dans la création. Vous qui avez rencontré des créateurs, vous les suivez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on parle de quoi? On parle de sa mode. Avant de sa mode, son rapport à la joie de vivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a, quelque chose qui le remplit, en fait, malgré les succès? Alors visiblement aujourd'hui, enfin je veux pas m'avancer parce que je le connais pas personnellement, mais j'ai lu beaucoup le concernant, hein, puisqu'il a pas mal d'actualités et les magazines de mode aiment bien justement le questionner sur sa vie et pas que sur son œuvre musicale. Ce qui l'emplit de joie visiblement, c'est sa famille. Aujourd'hui, en tout cas, il passe a priori beaucoup de temps avec son enfant. Il s'investit énormément dans ce rôle, et ce qui m'étonne pas, parce que c'est encore un rôle très créatif. Il faut être artiste complet pour être un père complet en quelque sorte. Alors là, vous avez besoin de notions d'entertainment, mais de raison, de folie, de passion, de partage, de générosité, de plein de choses. Donc j'ai l'impression que ça, j'ai l'impression qu'il a quand même un socle solide, et c'est pourquoi il est toujours entouré visiblement. Ce que vous disiez, Julien, avec fidélité, il reste fidèle. Je pense qu'il a besoin de sa garde rapprochée à qui il peut faire vraiment, vraiment confiance. Hein. C'est quelqu'un qui a connu le succès tellement, de façon tellement flamboyante, qu'on peut vite éclater comme un pop-corn, bien sûr. Donc je pense qu'il a les pieds sur terre, qu'il nous donne l'impression de tout exhiber. Et qu'il se protège, mais il utilise les feux des projecteurs les plus spectaculaires. Hein. Il était présent, par exemple, à la grande fête du Met, au Met Gala. Donc c'est la grande fête du Metropolitan Museum, le musée de la mode à New York, et qui est la un peu la le tapis rouge le plus attendu en fait des célébrités qui associent entertainment et mode, et il était là absolument flamboyant, à ne rien avoir à envier aux grandes célébrités américaines ou internationales. Donc voilà, est-ce qu'il heureux, malheureux, je pense que de toutes les manières, c'est pour quelqu'un d'aussi complet, c'est ce serait vulgaire de prétendre le bonheur complet, hein. Non, enfin, c'est intéressant de dire ça, ouais. Moi, je pense en fait qu'il se pose des questions. En fait, là où normalement tous les artistes sont face aux caméras, à la radio, et en fait ne doivent juste véhiculer du bonheur, de l'entertainment, lui, je pense qu'il se pose des questions, et des bonnes questions. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand il a commencé son concert à Bercy. Il avait, dès le premier titre, il avait arrêté le concert, il avait dit « Alors, c'est pas trop de la merde, vous kiffez bien ?» Parce que je pense que, c'était sincère, il était comme ça, et tout le monde était mais explosé de rire, et en même temps, tout le monde s'est reconnu en disant « Le mec est quand même en train de remplir Bercy. » C'était le premier, je crois que c'était la première date de la tournée. Il testait. Il se posait cette question. Normalement, un artiste, il est là, il est « Je vais vous éclater, quoi. » Et voilà, je pense qu'il se pose des questions, et le fait qu'il se pose des questions, je pense que le grand public l'interprète en disant « Ah, il est quand même assez tourmenté et tout. » Non, je pense qu'il se pose des questions, et je pense que ça l'amène aussi à essayer de voir, à aller de l'avant, et à essayer de voir aussi ce qui va se passer après, bien après, quoi. Bah écoutez, je vous réinvite pour parler de ce qui se passera après. Je vous remercie, merci beaucoup Julien Soulier, Émilie Mazoyer et Pascal Monfort d'avoir évoqué rapidement Stromae. Il y aura encore tellement à dire, mais voilà, c'est une émission d'été, on a un petit peu de temps, donc c'est ainsi. Mais comme j'ai du temps, je voudrais dire que cette émission a été réalisée par Céline Hila, et on la remercie. Et, incroyable, elle râle, mais elle travaille bien. Elle a été préparée par Manon Rax et Benjamin Ducy. Il râle pas, mais il travaille bien. Et avec l'aide de notre stagiaire réalisation, Benjamin Woodcock, il dit rien. Pour l'instant, on le connaît pas bien, mais il travaille bien aussi. Voilà. Et aujourd'hui, à la technique, Arnaud Caillet. Merci Arnaud. Et François Saint-Jour au mixage. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. N'oubliez pas, c'est votre répondeur, c'est votre parole. Donc n'hésitez pas à laisser un message. Ou en parler sur le Twitter directement avec moi, avec le hashtag BlockbusterFI. Formidable! Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Demain dans Blockbuster, un jeu vidéo où tu peux avoir des relations amoureuses et sentimentales avec des extraterrestres, mais on n'est pas dans le jugement. Un jeu vidéo où ton vaisseau s'appelle le Normandie, mais où ton équipage n'a pas l'accent ch'ti. Un jeu vidéo où tes ennemis s'appellent les moissonneurs, mais tu n'es pas un épi de blé. Demain, mesdames et messieurs, on vous parle de Mass Effect. France Inter.